jour où je serai mort, je veux qu'on se rappelle. Si je n'ai jamais rêvé d'une vie telle que celle que je mène, la haine, je suis pas né avec, et ça je le revendique. Pour ces acolytes qui héritiennent le mélancolique, grosse douleur dans mon cœur, ma soeur, je ne sais pourquoi. Je suis victime d'une vie qui ne me satisfait pas. Que Dieu veille sur mes pas, car je reviens de loin. Une souffrance atroce dont seul lui peut être le témoin me tient. J'aspire à une vie meilleure, aspire, expire, autour de moi ne sont que la rancœur. J'ai aimé un ami d'amitié, il m'a trahi. J'ai aimé une femme, elle m'a menti, donc je l'ai banni. Comprends ma douleur, j'aime la femme dans toute sa splendeur. N'aime pas la voir en pleurs, je suis le noir dans toute sa grandeur. Sanction du destin, je suis atteint, endurci. L'amour a sûrement mis mon dossier en sursis. Chacun pour soi, Dieu pour tous, comme ça t'es fixé. Les règles ont été fixées, malheureusement reste fixe. Beaucoup d'événements ébranlent nos convictions. Les confiances en personne devient notre position. La mort trop souvent flirte avec la haine, et quand soudain il cesse d'être, beaucoup décèdent. L'amour nous a rayés. L'amour nous a rayés. L'amour nous a rayés. Ils sont pas cons, mais nous on a rêvé d'aimer. Je crois bien que nous sommes nés pour déprimer, condamner, ramer, saigner. On n'aurait pas tant fumé. Une douleur atroce nous enivre. Sais-tu qu'on essaie de survivre? Nous a rayé de son tracé, de son parcours, préférant nous ignorer de son destin, et cela pour toujours. Étant conscient, maîtrisant les événements, des enfants, les sentiments n'avaient qu'à plus leur place dans mes rangs. Dur d'oublier les profonds chagrins, lorsque ton destin soudain a changé de chemin. Lorsque tes frères deviennent adversaires, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si parfois tu choisis, trop souvent tu subis, et puis les retours de la vie font en sorte que ta douleur est bien s'agrandie. Au fil que tu grandis, tout se complique, les embrouilles avec les flics, quand cette lance au monde de fruits. Je sais un pépère, je vais galérer hyper près. Je me contente de ces scènes en évitant les saisons sèches. Tout en fait sans regret, un très peu de choses tu peux t'attacher. Si ce n'est Dieu, la famille et tes refrains. Peu sont les gens sur qui tu peux compter, qu'en réalité certains te laissent crever pour tu plais. Mieux t'es en rêve que d'en pleurer. La rime je l'ai inversée pour ceux qui veulent me contredire. J'ai fait de ma vie un rêve et mon rêve une réalité. Pouvoir m'exprimer à l'aide du MST. L'amour de mon parcours m'a tellement déçu. Son message l'ai reçu, après lui je conclue. L'amour nous a rayés. Ils sont parcours mais nous on a rêvé d'aimer. Des enfants, les sentiments n'avaient déjà plus leur place dans mes rangs. Et nos rêves partent en fumée. Une douleur atroce nous enivre. Sais-tu qu'on essaie de survivre? L'amour m'a refoulé depuis le jour de ma naissance. Du bled à la France, mon enfance n'est que suite de ma chance. J'ai pris conscience, mon expérience féconde mon espoir. Mon bref passage dans ce monde se doit de frapper l'histoire. Chaque seconde me sont comptées. Moi j'ai pas le droit de m'effondrer. J'ai pas le choix, ma destinée n'est que d'affronter. Comprends pourquoi je fais pas de sentiments. Comprends pourquoi j'ai pas envie de te sourire et ni te parler gentiment. Le regard froid meurtri, glace cette déception. Donne l'impression mépris car je maîtrise pas son action. Aveuglé par le brouillard de la malédiction. Je ressens le besoin d'ameubler des airs d'affection. L'état du paysage atteint mon personnage. Le résumé de ma vie en flash déteint sur mon visage. J'ai la rage. La fureur de vaincre l'invincible. Faut que j'accède à l'inaccessible. Seul système impossible, compréhensible. Quand le bonheur l'affect est fleuré, ma mère a trop pleuré. Car dans les rangs je me suis trop leurré. J'étais élevé par les larmes, les cris, les coups, les drames. Je me suis relevé car ça n'a fait que rendurcir mon âme. Un vrai bonhomme qui encaisse est un mur. La lame de la misère ne peut percer mon armure. Ni le charme d'une femme, actrice du fils, complice du haram. Faut que je me repentisse sinon je crame dans les flammes. L'amour nous a rayés. Ils sont pas cons mais nous on a rêvé d'aimer. Je crois bien que nous sommes nés pour déprimer, condamnés pour ramer, saigner. Et nos rêves partent en fumée. Une douleur atroce nous enivre. Sais-tu qu'on essaie de survivre? Je crois bien que c'est le destin qui en a foulé aussi. C'est l'amour qui nous a rayés. Qu'on a foulé aussi. Mais on a voulu aimer. Qu'on a foulé aussi. Et nos rêves partent. Sous la pression, je pète un plomb. Attention, je lâche mes nerfs à vif. Une douleur atroce nous enivre. Lorsque tes frères deviennent adversaires.